Ce panneau indique que la route sur laquelle je circule est à caractère prioritaire. Toutes les intersections que je vais rencontrer seront donc protégées et les usagers arrivant des voies adjacentes seront tenus de me céder le passage. D'une manière générale, on rencontre ce panneau après les intersections ou tous les 5 km pour rappeler au conducteur qu'il roule sur une route à caractère prioritaire. Seul ce panneau, indiquant la fin de la route à caractère prioritaire, met fin au régime de priorité ainsi adopté. Réponse A et C.